La vie se résume en quelques mots. Tes pensées sourient aux photos. Mais comment pouvoir suivre en tentant vainement de survivre avec toujours et encore les mêmes discours qu'on nous ressort. Construis-toi, trouve ta voie. Je suis d'un avenir fait de chômage. Tente de t'extraire de ce passage. On dit que la solution est en nous. Toi, es doué, alors nous, et puis à l'esclavage. Empâté, entassé dans une cage au vent. Un peu de barre sur le dos. En passant les déchets des matos. Sans occuper à promettre une belle vie. Quel paradis. J'en rêverai, c'est promis. J'en rêverai, c'est promis. J'en rêverai, c'est promis. J'en rêverai.